Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et nos invités explosifs, si vous nous rejoignez que maintenant, et c'est fort dommage, ce sont Alexandra Desloires et Sophie Imbeau. Ouais. J'attendais des applauses. Alors, avant de parler de jeux de planche, nous allons parler un petit peu de vos parcours. Alors, Alexandra, tu es née en France, mais tu as grandi en Afrique. C'est bien ça? Oui, j'ai été espionnée, dis donc. Oui, tout à fait, oui. Je suis née à Aix-en-Provence et après, j'ai grandi au Congo, au Cameroun et à Madagascar, avant de revenir en France. Et alors, à quel âge tu as découvert le théâtre en Afrique? J'aime bien la façon dont est tournée la question, c'est très drôle. Oui, elles sont même pas tournées, hein, c'est que j'improvise, hein, je vais pas te mentir. Ma maman faisait du théâtre en amateur quand j'étais petite, donc à partir de là, je sais pas, j'avais 5-6 ans, et ça m'a toujours vraiment beaucoup, beaucoup plu. Voilà. Et tu as pris tes premiers cours là-bas? Et j'ai pris mes premiers cours à Madagascar, oui, tout à fait. Alors tu es également musicienne, puisque tu composes et interprètes tes premières chansons à 11 ans. Et quelle chanson, hein? Ah alors, oh là, c'était là. Quoi? C'était de la merde. Ah, Mais non, et d'ailleurs, on l'a. Non, c'était des chansons d'amour de jeunes femmes prépubères. Bon, c'est mignon. Voilà. Non, c'était des rimes riches et des textes envoûtants. Ah, tu t'en souviens plus, pas d'extrait. Non, c'est dommage. J'ai oublié ça. Rendu ça loin. Volontairement. Je suis désolé de remuer le couteau dans la plaie. Alors, tu reviens sur Paris à quel âge? À 18 ans. J'ai quitté ma province. Bien décidé à conquérir Paris. Merci. Je t'en prie. Jean-Paul. On va faire un duo, s'il te plaît, quand tu veux. Jean-Paul qui a l'âge d'Aznavour. Il est parti de nouveau. Et alors à Paris, tu suis quelle formation? Eh ben à Paris, j'ai en fin de compte, mes parents voulaient que je fasse une formation un peu plus technique, histoire d'avoir un bagage, on va dire. Et je suis allée à l'écart. Voilà, et j'ai tenu 4 mois. À l'écart de tout le monde. Elle fait comme voilà, j'étais vraiment à l'écart pour le coup. Et puis un jour, j'ai appelé mes parents et j'ai dit ça va être du théâtre ou c'est rien du tout. Et ils m'ont dit ok, carte blanche. Et du coup, le soir même, j'étais inscrite au cours Florent. Ouais, ils sont trop sympas tes parents, putain. Ouais, ils sont sympas mes parents. Ils sont vraiment très. Ils peuvent rien faire, qu'est-ce que tu veux. C'est clair, là, clairement, ils n'avaient pas le choix. Non, voilà, donc cours Florent. Cours Florent, et oui. Tu as également suivi une formation vocale auprès de Lily Bergman. Oui, et pas que. Lily Bergman, qui a été mon premier prof de chant à Paris, que j'adore, à qui je passe un coucou d'ailleurs. Coucou Lily. J'ai ensuite remporté un concours pour avoir une formation avec Renaud Hanson, et puis un autre concours pour avoir une formation avec Lisa Baumann. Voilà, donc je passe le bonjour à toutes ces personnes que j'apprécie énormément. Avec Renaud, tu intègres les chœurs de son groupe de rock. Oui, alors j'étais Furious Zoo. Je croyais être le seul à connaître ce groupe de rock. C'est vrai? Furious Zoo. Non, mais c'est le kick qu'il a entendu. Mais ouais. Alors, j'ai eu la chance de faire, quelques concerts et c'était ouf, quoi. C'était il avait fait une reprise de Into the Groove de Madonna. Tout à fait. Oui. Non, mais j'ai l'album. Je vous jure que j'ai l'album à la maison. Et en 2014, tu étais à l'affiche de 3 favorites pour un César. Oui. Elle a pas aimé ta question là. Ah. Oui, tout à fait. Non, si, c'est je salue tous mes camarades, une troupe vraiment, on est restés tous très amis. Ça s'est très mal terminé, mais les potins. Mais vraiment les comédiens. C'était pas marqué dans le dossier de presse. Voilà, je suis désolée. Mais vraiment les comédiens qui travaillaient avec moi, je prends des notes. Des amis très proches et je les salue tous. Voilà. Et le reste non. Voilà. Alors toi, Sophie, tu fais tes premiers pas sur scène dans une association. Ouais. Qui s'appelle Geste d'Orgeval. C'est ça, où je suis prof maintenant, ouais. Et voilà, c'était ma question d'après. Excuse-moi, je te laisse. Non, mais quand l'invité parle, c'est qu'il est, c'est un bon invité. Quand je n'ai rien à faire, c'est très bien. Alors toi aussi, tu intègres les cours Florent en 2009. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est là-bas que vous vous êtes rencontrés? Oui. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés en deuxième année. On a eu un petit coup de cœur artistique, bien joué. Je réfléchis. Ouais, c'est bien joué. On a fait une scène ensemble et c'était une scène où ça partait vraiment dans tous les sens. C'était une scène de Martin Krimp. Ouais. Et on avait décidé de faire une mise en scène complètement barrée. Et on avait mis de la viande dans une valise et des confettis. Mmh. Et, on s'était dit, ça va passer, on est au cours Florent. Et ça a marché. Ils ont dit, c'est génial. Et là, on s'est dit, banco, on a vraiment compris comment ça fonctionnait. Et on s'est bien marié à l'époque. On aimait bien partir dans tous les sens. Et en fait, on s'est très vite retrouvés. C'est là où on a créé la première version de jeu de planche comme travail de fin d'études en 2012. Voilà. Alors, tu as reçu également 2 prix d'interprétation. Alors, raconte-nous ça, parce que on n'invite pas n'importe qui. Tellement elle est trop douée. Vas-y, comment. Oui, à côté, c'est rien. Oui, voilà. En fait, j'ai intégré une, à la sortie du cours Florent, j'ai intégré une troupe qui s'appelle La Compagnie en nos troubles, avec laquelle on a monté Wojciech de George Büchner. Et en fait, j'ai eu un prix d'interprétation, mais c'était un peu facile entre guillemets, parce que j'étais la seule nana du collectif. Effectivement. Voilà. Et on a monté aussi Des souris des hommes de John Steinbeck. Moyen. Tu connais Mickey, c'est tout. Et voilà, et ben j'ai eu la chance de recevoir deux prix d'interprétation pour ces deux pièces-là, et c'était très cool. Et tu sais, ça a beau être des petits prix, des petites coupettes, tu chiales comme si t'avais 4 ans. C'était une très belle expérience. Ouais. Puis t'en parles sur Pantoufle Explosive. Exactement. Ouais. Et c'est un petit peu la classe. Et tu fais également de l'impro, alors on a pu te voir dans Les Colocataires. C'est ça, ouais, tout à fait. Et t'as également un spectacle d'impro pour enfants. Ça se joue encore ? Alors ça va se rejouer à partir de mars à la Folie Théâtre. Et oui, ça c'est un spectacle d'impro pour enfants. Et en gros, en fait, on demande des mots aux enfants et on doit créer une histoire à partir des mots donnés et des héros donnés. Donc c'est hyper rigolo. Donc parfois tu peux te retrouver à jouer une grenouille super héros, mais vraiment, ils disent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire rhinocéros. On joue un rhinocéros et il a une particularité, il adore les frites. Enfin, c'est vraiment drôle, quoi. C'est hyper rigolo. C'est un concept. En plus, il faut aller très vite. Puis les gamins, contrairement à un public d'adultes qui sait à peu près se comporter, c'est-à-dire que quand tu les embêtes, ça se voit tout de suite. ils tournent le dos, ils vont voir leur mère. Eh, dis donc, on n'a pas le goûter. Donc là, tu sais tout de suite que si ça marche pas, quoi. Alors justement, en parlant de mots, je suis allé voir sur ton Twitter et t'aimes bien le mot slip. J'adore. Alors faut nous raconter ça. J'adore. En fait, j'ai des mots un peu favoris, c'est vrai. J'ai bigoudi et j'ai slip. Et c'est des mots qui me font bien, enfin que je trouve géniaux. Parce que slip, tu vois, il y a un truc avec la bouche qui est drôle, c'est slip. La bouche. Oui. Et non, mais je trouve qu'en plus l'objet, enfin le truc est dingue, c'est beau. Non, Jean-Paul, ne demande pas ton. On voit pas ses mains, et c'est vraiment dommage. Non, mais enfin l'objet en lui-même est magique et bigoudi, ouais, j'aime beaucoup ce mot, mais c'est des mots qui me font sourire. Voilà. Ça valait le coup de poser la question. Ouais, en tout cas, je trouve. Alors parlons de votre duo à présent. Vous avez une web série qui s'appelle Do It Yourself. Oui. Alors elle parle de quoi cette web série? Eh ben, elle parle de la construction de notre spectacle, en fait, de tourner avec beaucoup d'humour, de comment on a choisi le texte jusqu'au jour où on le joue sur scène. Et en fait, on a un petit peu scénarisé tout ça, c'est-à-dire qu'on a eu un épisode qui s'appelait l'épisode 4, qui s'appelait l'adaptation du texte, parce qu'en fait, on a remodelé tout le texte de Jean-Paul Allègre. Et dans l'épisode de l'adaptation, en fait, on fait une recette de cuisine et on explique comment on adapte un texte, sauf qu'on le fait en recette de cuisine trash. Et donc, on a des tronçonneuses et on découpe le bras de notre metteur en scène. Enfin, on s'est vraiment bien marré à le faire. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, on salue notre metteur en scène, Delphine Rodeau, qui fait un travail top. Ça va, ça repousse la main? Alors, justement, parlons de jeu de planche, comment vous avez découvert ce texte? Alors en fait, c'était en troisième année. Avec Sophie, on avait décidé de monter le texte jeu de planche, et puis on avait modifié quelques petits morceaux, et c'était pour un travail de fin d'études, pour la sortie de l'école, et l'examinateur nous avait dit, c'est bien les filles, mais clairement il faut encore exploiter tout ça, il y a encore du taf, lâchez pas l'affaire. Et comme avec Sophie on était déjà très potes et qu'on sentait bien qu'il y avait quelque chose entre nous, d'un point de vue artistique et amical en plus, on s'est dit ok, on garde ça sous le coude, et puis on lâche pas, on se rappellera. Et puis pendant 2 ans, on est restés très amis, chacune on a fait un petit peu nos petits parcours, et puis 2 ans après, on s'est rappelé, on s'est dit ok, c'est toujours ok, allez c'est parti, et on a envoyé un mail à Jean-Paul Allègre, et le lendemain, on était dans son bureau en train d'en discuter, et puis on a cherché la metteur en scène dans la foulée. Et la metteur en scène, elle a dit, moi j'aimerais exploser le texte. Et donc on a dit, Jean-Paul, t'es d'accord? Et donc il dit, bah montrez-moi. Et en fait, on a vraiment exposé son texte. Aujourd'hui, il reste, je crois, 5% de son texte. Ah oui, ah ouais, il n'y a plus rien de jeu de planche. Jean-Paul, à qui on passe le bonjour. Il touche plus rien, là. Et il touche encore ses droits d'auteur parce que, voilà, on a encore, quand même, on utilise son titre. Mais en tout cas, ouais, on a vraiment fait une explosion du texte. Et aujourd'hui, c'est plutôt une créa autour de l'original, quoi. D'accord, alors faites-nous le pitch. De quoi, jeu de planche? Alors, on va essayer d'être très courte. Oui, En fait, on était à Avignon il y a 2 ans avec, et on avait, tu sais, on avait des trucs de parade, et donc on disait c'est drôle, c'est violent, c'est trash et c'est poétique. Il y a du sang, des yaourts, des céréales, des paillettes et des nanas en body. Voilà. C'est vrai, je confirme. Voilà. Je confirme. Et en fait, ça parle de l'envers du décor du métier de comédienne, et voilà. Mais en fait, on tient vraiment à préciser que ça parle de ça, mais avec beaucoup d'humour et d'autodérision. Quoi. On n'est pas du tout dans la plainte, au contraire, c'est. On est un peu dans l'univers des Chiches Capon, des Eliane. Voilà, donc c'est, on n'a pas de limite sur le plateau et c'est ça qu'on, qui nous plaît. On va, on monte dans le public, on finit n'importe comment. On peut dire comment vous finissez? Oui, très sale. Voilà, d'accord. Très sale. Crado, hein. Oui. On aime beaucoup commencer très joli et assez mal à l'aise et c'est ce qui se passe vraiment puisque moi j'arrive en culotte et Alexandra est pas habillée, enfin quasiment, enfin pas habillée. Et on finit pleine de sang et d'yaourt. Mais très à l'aise, du coup. Mais très à l'aise. Une belle évolution. C'est ça. Un élément naturel. Tu te sentir bien. Alors Léa, tu veux en dire quelques mots? Parce que tu as vu la pièce. Moi, j'ai vu la pièce en avril dernier. Alors effectivement, c'est exactement ce qu'elle dit. C'est sanglant, c'est trash, mais ça reste très drôle. Ça se prend pas la tête. Mais ça véhicule quand même un certain message, je trouve, sur la condition d'être comédienne, en tout cas en France. Moi, j'ai trouvé ça à la fois drôle et touchant. Et surtout, ce que je tenais à souligner, c'est l'interprétation. Je connais pas le texte original ni rien, mais vraiment, vous captez le public, que ce soit notre genre de théâtre ou pas, vous avez vraiment une très belle interprétation et vous êtes toutes les deux très très différentes, ce qui vous rend complémentaires et c'est ça qui fait que ça fonctionne vraiment. Enfin, je trouve personnellement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Trop cool. Alors, les prochaines dates, si on veut voir Jeu de planche. Eh ben, on a pas mal de scènes ouvertes. Ouais. Tu as les dates Alors, je sais que vous jouez à Nantes. Oui. Déjà au théâtre des 100 noms. Oui, exactement. Avec le Cactus Comedy Club. Tout à fait. Ça, c'est le vendredi 25 novembre. Oui, c'est bientôt là. Oui, bah, c'est vendredi prochain. Ouais. Finalement. Vous êtes également au Festival des Jeunes Talents de Gagny. Oui. Ça, c'est le lendemain. C'est le 26 novembre. Et le 27 novembre, vous êtes au Field. Oui. Exactement. Et le 28 novembre, vous êtes à l'espace Gerson à Lyon. Oui. Ouais. Le 29, vous dormez, non? Le 29, on s'écroule. Et le 5 décembre, on est sur le plateau à Paris. Si vous voulez venir nous voir à Paris, au Paname. Plus drôle, les filles. Voilà. C'est mis en scène, je vais retrouver le nom, par Delphine Roudeau, on l'a dit. C'est ça, ouais. On la salue. On la salue. Ah oui, qui a réécrit les textes. Donc. Exactement. Qui a explosé tout ça. Pour réserver ou pour vous retrouver, c'est Facebook. Oui. Facebook jeu de planche. Twitter jeu de planche. YouTube jeu de planche. Pas encore YouPorn. Ouais. Mais c'est en cours. Ça arrive, ça arrive. On y travaille. Il fait une série. On a vu le spectacle, on sent que ça arrive. Voilà. Et sur Bireduc, si vous voulez vous faire des avis, vous avez sur Bireduc, il y a toutes les critiques et tout. Eh ben merci Alexandra, merci Sophie. De toute façon, vous restez avec nous, on va en reparler. Avec plaisir.